couche avec Mélosa. J'ai grandi dans la zone, ici les nanas peuvent être des passeuses de coca. On s'est gang, pour la money on est ready. Ah bah ouais, Persa. Bah ouais, ma beauté, tu sais bien, je suis avec Mélosa. J'ai grandi dans la zone, ici les nanas peuvent être des passeuses de coca. C'est gang, pour la monnaie nous on est ready. J'ai caché le Smith West dans la berline. Pour mes rebelles je repose sur le sidéry. Ma chérie c'est nous les kings. Elle veut voir l'équipe. J'suis un hoodie, j'vais les choper comme sur Tinder. J'arrive à toute balle sa maman. On vient de loin maintenant les virements ça m'arrange. En RS3 la conduite est violente. Je fume la beuh, j'ai les palettes au volant. L'oseille à mort, j'veux dormir en rigolant. Je fume la beuh, j'ai les palettes au volant. Audi RS3, tous les feux sont verts. Caché mes billets vers sous terre. J'suis parti d'en bas, poto j'ai souffert. Si tu veux nous faire, c'est une grosse erreur. J'ai quitté le ghetto, j'suis à Varadero. Business class telo, j'laisse la misère dans le rétro. J'ai quitté le ghetto, j'suis à Varadero. Business class telo, j'laisse la misère dans le rétro. J'ai moins d'amigo, plus de followers. Et même sans le jour, des fois j'suis ailleurs. Elle veut mon Della, soirée mondaine. Finir au telo, c'est pas mon Della. C'est pas au placard qu'on se range. Ah, ah, ah, frérot dis-moi si j'ai changé. Ça joue les épées Kenio, métophomanie. De son froid dans Sicario, j'ai pas besoin d'allier. On connaît le scénario. J'ai souffert.